dans ma poitrine. Mon cœur bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, c'est pour toi. À grand coup, tu le devines. Mon cœur bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, quel est moi, tant de joie et de lumière. Je me sens désarmé, écrasé de bonheur. Près de moi, la vie entière. Je voudrais à jamais te garder, mais j'ai peur. Dieu seul sait combien notre amour est grand, qu'il est fort le lien, et tu me comprends. Dieu seul sait comment notre amour est né, pour combien de temps, pour un mois, des années, quel est moi dans tout mon être. Mon cœur bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, à grand coup de l'amour qui vient de naître. Mon cœur bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, comme un fou. Un seul coup dans ma poitrine. Mon cœur va, va, va, va, va, va, va se briser du bonheur qui l'illumine. Mon cœur va, va, va, va, va, va, va. Mon cœur va, va, va, va, va, va, va.